Bonjour, moi je suis Cécile Delhomo et je suis comédienne dans la compagnie La Grosse Situation. Bonjour, moi je m'appelle Alice Farnkrug et je suis comédienne aussi dans la compagnie La Grosse Situation. Le collectif La Grosse Situation s'est formé autour de ce spectacle, La Conserverie de Vieux. Donc à l'été 2008, ça fait 3 ans maintenant. On va dire que notre démarche ou notre façon de travailler et s'intéresse aux situations, justement, qu'on aime bien se mettre en situation pour comprendre ce qui nous entoure, ou les contextes, les endroits, les villes, les territoires dans lesquels nous nous trouvons. Et que c'est à partir de ces mises en situation que nous écrivons et inventons notre façon de faire du théâtre. Moi, je viens par la petite porte, en fait, du théâtre. Donc, moi, j'ai fait beaucoup d'expériences de rue, de clown, de théâtre gestuel. Et puis, ça m'a amenée au mot. Et je suis passée par le conte. Donc, je racontais des histoires dans des conditions assez simples, une personne ou deux devant un public, et juste c'est l'imaginaire qui travaille pour l'un et pour l'autre. Voilà, j'aimais bien ce rapport-là au spectacle. Et comme j'écrivais, j'ai vite en fait écrit les histoires que je me suis mise à raconter. Et puis c'est sur ce terrain-là de raconter des histoires qu'on écrivait qu'on s'est retrouvés avec Alice. J'ai rencontré Cécile à Bordeaux. Je faisais à l'époque une formation de comédien professionnel au conservatoire. Mais je supportais mal l'enfermement dans l'institution. Et j'ai cherché à sortir beaucoup et j'ai rencontré les conteurs. Et ça a été une rencontre fondatrice aussi, parce que ce rapport simple au public dans le rapport... de la transmission, dans la présence, dans le fait de pas faire semblant, en fait, de pas faire semblant de la situation. On joue avec la situation. Il y a des gens qui racontent une histoire et des gens qui l'écoutent, et c'est comme ça, ça existe en permanence, quoi. Et après, moi, je travaille aussi avec la compagnie Opéra Pagaille, qui est aussi à Bordeaux, qui est une compagnie qui travaille dans l'espace public essentiellement. Qui s'inspire aussi des différents contextes de la ville pour faire des écritures in situ. La situation de la conserverie de Vieux, elle remonte à l'époque. On nous avait invités à raconter des histoires dans un festival qui s'appelait le Festival des Temps Anciens au Burkina Faso, qui était organisé à l'initiative de jeunes musiciens burkinabés qui travaillent en partie aussi à Bordeaux, qui nous avaient invités. Ça allait regrouper beaucoup de monde, mais surtout... ça traitait de la transmission, ce festival. Il y allait y avoir des griots africains, il y allait y avoir des jeunes français. Et nous, on s'est rapidement posé la question, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on peut raconter. Et on raconte pas des histoires traditionnelles, on raconte des histoires qu'on écrit nous. Qu'est-ce qui aurait la force d'être rencontré dans un tel contexte? Et on s'est dit qu'on allait raconter notre rapport à nous, à nos vieux, chez nous, quoi, dans notre société, comment ça se passe chez nous. Donc, on a commencé à écrire des histoires où on racontait aussi de notre propre expérience, de notre rapport à nos grands-parents. Et puis, assez rapidement... Bon, finalement, on n'est jamais parti au Burkina, mais l'idée est restée. Et cette question autour de la transmission entre les générations et surtout qu'est-ce qu'on fait de nos vieux dans notre civilisation à nous est restée très forte. Et on a eu assez vite l'envie, le besoin d'aller voir dans des maisons de retraite, dans ces instituts spécialisés qui s'occupent de gérer la vieillesse dans notre pays. Chose qu'on connaît, enfin, institut que nous ne fréquentions pas du tout à l'époque, dont nous n'avions que peu d'idées en fait. Et donc on est allé se mettre en situation dans ces maisons de retraite. On est parti en immersion pendant 2 semaines entières. On était présente, on a été présenté à tout le monde en tant que nous-mêmes, comédiennes, artiste, écrivant un spectacle autour de la question de la vieillesse. Et ça a commencé comme ça. Dis-moi chérie, je t'ai perdu en moi. C'est le vent et le froid qui m'ont volé l'amour, mais non à toi. Non, je ne veux pas que nous deux ne peuvent plus rire de tout cela. Mais nous, ce qui nous a marqué beaucoup, c'était la résignation qui règne dans ces lieux. Alors, parce que c'est compliqué, comme tous les établissements ou institutions qui doivent faire de la gestion d'humains. Donc c'est compliqué, déjà les deux termes vont pas très bien ensemble. Et au final, on se rend compte que c'est une systématique, un système où personne ne se retrouve réellement. Tout le monde y met du sien, mais il y a une fonctionnalité qu'il faut respecter, un protocole de base, une routine à laquelle personne ne peut échapper. Donc, que tu sois... Si tu es au début du couloir, tu es réveillé à 7h du matin parce que c'est là que commence la visite, la distribution du petit déjeuner. Et si tu es au bout du couloir, tu peux dormir jusqu'à 10h. Mais on ne peut pas réellement se préoccuper des rythmes de chacun. Et tout le monde le sait. Les gens qui travaillent le savent, le subissent de la même façon que les résidents. On se retrouve face à des gens qui ont 80, 90, voire plus années d'existence derrière eux, donc qui ont aimé travailler, qui ont fait la guerre pour certains, qui ont fait des enfants, qui ont vécu. Et ils se retrouvent dans une chambre, parfois à partager avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ou... Ils doivent résumer leur vie à quelques objets qu'ils peuvent poser dans un coin. Et finalement, on est obligé de faire ça, quoi. Donc il y a cette espèce d'état de résignation qui nous a beaucoup, beaucoup touchés et parfois même atterrés. On est passé par tout un tas de stades émotionnels, allant de la colère extrême à la dérision. En passant par le désarroi, la moquerie, le besoin de transformer tout de manière farfelue, Je te cherche dans mon corps, mais tu n'es pas là. Oui, et puis du coup, tous ces états émotionnels qu'on a traversés, on a choisi que ce soit le fil rouge du spectacle, dans le sens où on a choisi d'essayer de retourner les gens comme des crêpes, en fait. Dans le sens... en même temps, il y avait aussi beaucoup de tendresse et beaucoup de rire. Mais tous ces états-là, voilà, on essaye dans le spectacle de faire ressentir tout ça aux gens. Donc on les malmène entre guillemets. Parce qu'on est parti de cette question un peu naïve de qu'est-ce que c'est être vieux ou qu'est-ce qu'on fait de nous vieux dans notre société. Et ça nous a embarqués. À un moment donné, on ne pouvait plus s'échapper. Et chaque fois qu'on avait l'impression de comprendre quelque chose ou d'arriver à une réponse, de savoir, il y avait une situation qui suivait rapidement, qui démontrait le contraire ou qui remettait les pendules à zéro, quoi. Et il fallait recommencer. Et au bout d'un moment, on se disait que peut-être on vieillit selon comment on a vécu. Et que donc, finalement, toutes ces questions autour de la vieillesse, de la fin de vie, de la mort, de tout ça, ça nous ramène en fait à la vie et à notre propre vie. Et surtout, comment on vit, où est-ce qu'on prend les libertés, comment on prend notre vie à bras le corps. Et c'est ça que c'est important. Et c'est ça, en fait, que raconte aussi le spectacle. À un moment donné, ça nous renvoie à notre façon, à nous, de subir ou pas les systématiques ou ce qui nous entoure, quoi. Et dans quel que soit le système dans lequel on se trouve, y a toujours une manière de ne pas être... Enfin, entre la résignation, par exemple, et l'acceptation, il y a une marge, et cette marge-là, elle est sans doute aussi dans quelque chose qui peut être de la résistance. Les gens réagissent, ça dépend, c'est arrivé que des gens sortent ou partent ou aient des choses à dire ou à redire ou... Mais en général, les gens restent à la fin et ont envie de discuter parce qu'ils se sentent directement concernés par l'endroit où ils pourraient éventuellement finir ou pas, ça renvoie chacun à quelque chose comme l'histoire, quoi, familiale ou personnelle, intime. On pense à ses grands-parents, on pense à ses parents ou à ses petits-enfants. Donc ça parle un peu à tout le monde de différents endroits. Et ça rassemble les gens. Et aussi cette situation physique où on place les gens autour, sur trois côtés. Et nous, on joue au milieu de cette espèce d'arène, qui n'est pas une arène puisque c'est carré, mais ça pose une question au centre et on joue avec ça. Et tout le monde participe, en fait. Ça nous met tous à un pied d'égalité par rapport à ces questions qu'on pose et auxquelles on n'a réellement pas de réponse concrète, quoi. Parce que vieillir, ça appartient vraiment à chacun, sans doute. C'est pas parce que le spectacle parle des vieux et parle des maisons de retraite que il doit être joué en maison de retraite. En fait, même pour nous, c'est pas intéressant, ça n'a pas de sens. Parce que ce serait renvoyer à des gens une réalité volontairement soulignée qui peut être déjà difficile à vivre. Et voilà, nous on préfère que ce spectacle il soit joué dans les théâtres, si c'est possible, ou dans les salles des fêtes, puisque la configuration trifrontale, elle permet ça. Puis les salles des fêtes, c'est des lieux de vie. Et ça, on aime bien jouer dans ces lieux de vie. Et on préfère que les gens viennent en tant que spectateurs, quelle que soit leur histoire, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, et qu'ils viennent en prenant le risque d'être spectateurs. Voilà, qu'ils viennent de manière autonome. Par contre, on est retourné dans les institutions où on a visité surtout trois, en fait, dans lesquelles on est allé régulièrement pendant toute la création. Et on a joué le spectacle dans les villes où on a été accueillis. Donc, on a invité les gens qui le désiraient et aussi le personnel soignant. Beaucoup d'entre eux sont venus voir. Je pense que c'est partagé. Il y a beaucoup de... Forcément, ils sont... ils se sentent partie prenante, quoi. Mais la plupart l'ont bien pris. Enfin, de toute façon, les gens avec lesquels on avait eu le plus de rapports déjà d'emblée dans les institutions l'ont bien pris parce que ils avaient cette ouverture aussi de nous laisser venir voir. Donc déjà, c'était une volonté de leur part de ben, aussi de nous faire, enfin, de faire partager tout ça, quoi. Et ce, sans doute le bon et le moins bon qui existent de toute façon.